إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication du livre أعلم سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. Les derniers cours, on a terminé le chapitre qui constituait l'innovation. L'innovation, al-bid'a. Et aujourd'hui, le shir, après avoir parlé donc de l'innovation, avoir posé des questions qui étaient en relation avec l'innovation, il va entamer un nouveau sujet, un nouveau chapitre de la croyance. Où tous les savants, min ahl sunnati wal jama'a, tous les savants, des gens de la sunna du consensus, lorsqu'ils ont écrit des livres traitant de tous les chapitres de la croyance, ils ont fait rentrer bien entendu ce chapitre, qui est un chapitre plus qu'important pour ce qui est de la religion de l'islam. Et ce chapitre de la croyance, qui est en réalité notre croyance que l'on doit avoir vis-à-vis des as-sahaba, ceux que l'on appelle les sahaba, donc les compagnons. Pour ce qui est du ta'rif al-sahabi, pour ce qui est de connaître qui est un compagnon, dans des cours précédents, on a déjà donné l'explication et la définition de ce qu'est un sahabi. Donc Inch'Allah, on ne va pas y revenir dessus aujourd'hui. On va directement passer à la question du shirk. Car en réalité, dès les premières phrases qu'il va écrire en introduction à la première question qu'il pose et qui est la question 206, on va s'apercevoir, rahimallahu ta'ala, qu'il va nous donner tout simplement, de manière mujmal, de manière donc générale, quelle doit être notre croyance par rapport aux sahaba, par rapport donc aux compagnons. Donc il nous dit dans la question 206, ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. Donc ces questions, c'est la suivante. À quoi devons-nous en tenir quant aux compagnons du messager d'Allah et aux membres de sa famille? ما هو الواجب? Quel est donc ce qui est obligatoire par rapport à nous vis-à-vis des compagnons? Quelle est donc cette obligation? En quoi consiste l'obligation que l'on doit avoir envers les compagnons? Lorsqu'on dit donc ici, le shir l'a dit, le wajib, ce qui est obligatoire et qui rentre même dans notre croyance, et que celui qui va à l'encontre de cela, automatiquement, il va à l'encontre d'un des points de la croyance, et il sort donc du bon manhaj, il sort donc de la bonne voie lorsque la personne va aller à l'encontre de ce que l'on doit ou à quoi on doit s'en tenir par rapport aux compagnons du prophète Yaqul. Al-wajibu alayna salamatu qulubina wa al-sinatina lahum wa nashru fadailihim wal-kaffu an masawihim wa ma shajara baynahum wa tanwihu bisha'nihim kama nawaha ta'ala bidhikrihim fi at-tawrat wal-injil wal-qur'an وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. Dans un premier temps, donc, le shir va nous dire, il est de notre devoir, donc c'est une obligation ici, al-wajib lahum, donc par rapport à eux, que nos cœurs et nos langues soient saints envers eux, que nos cœurs et nos langues soient saints envers eux. Et na'am. Salamatu qulubina wa alsinatina lahum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton cœur, lorsqu'on t'entend les compagnons, lorsque tu penses aux compagnons, il doit y avoir que le bien. Et il ne doit avoir dans ton cœur rien de ce qui vient entraver ce bien. Et avoir le meilleur donc des opinions envers eux. Donc avoir un cœur sain par rapport à eux. Et bien entendu ici le cœur, bien avant même la langue. Alors qu'est-ce que c'est de la langue ? La langue, bien entendu, ne dire aucun mal des sahaba, ne critiquer en rien les sahaba, bien au contraire, lorsqu'on parle d'eux, parlez d'eux en bien. Et donc, que tous les compagnons, lorsqu'on parle, aient le salut de notre langue. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Et également, il nous dit le shir, de propager leur mérite. Ça, c'est le wajib. En plus de ça, ça donc, c'est la première, on va dire, étape, qu'on soit saint pour ce qui est de nos cœurs, pour ce qui est de nos langues vis-à-vis des sahaba, et ensuite propager leur mérite. Et là, on a ça également, c'est notre devoir envers eux. Tout ce qu'ils ont fait pour l'islam, ils ont sacrifié pour l'islam, pour cette religion, et de notre devoir à nous, ceux qui viennent après eux jusqu'à nos jours, c'est de propager leur mérite autour de nous, en rappelant les mérites des sahaba, en apprenant aux enfants qui étaient les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait, en rappelant leurs mérites, en revenant à la sunna du prophète, en revenant au livre de la sunna, et leur rappeler tout al-fadha'il. C'est pour ça que l'on trouve que tous les gens de la sunna et du consensus, tous, que ce soit donc ceux qui ont écrit les sunnans ou autres, ils ont écrit des chapitres spéciaux pour les sahaba de façon générale, et pour chacun d'eux, ou la plupart d'entre eux, de manière plus précise. Il nous dit également de ne pas aborder leurs défauts et leurs disputes. Enam. C'est-à-dire, walkafu an nasawihi wa mashajara bainahum. On doit se taire par rapport à ça. Et on sait, on va le voir, et on rappellera également une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, pour ce qui est de notre croyance et de notre devoir envers les sahaba, les compagnons. Les sahaba, ils ont des défauts. Ils ont été des hommes. Ils ont eu donc des défauts. Ils ont fait des péchés. Et par rapport à cela, on doit se taire. On verra pourquoi, en revenant donc. Ce que va nous dire également Cheikh Hafir, ce que va nous dire également Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah pour bien comprendre. Wama shajara bainahum. Également les disputes qu'il y a eu donc entre eux. Il y a eu des disputes entre eux, et ça on n'a pas le droit d'en parler. Et on verra également pourquoi, quel est le sabab pour cela. Ensuite il nous dit le shir, et avant même de citer le premier verset qui va faire éloge des compagnons, Na'am. Non seulement le Coran il a fait éloge des compagnons, mais bien avant, Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans ses livres les éloges des compagnons, subhanallah. Il a cité les éloges de cette communauté musulmane dans les livres qui ont précédé, que ce soit l'évangile, que ce soit la Torah. Et bien entendu, lorsqu'on parle des mérites de cette communauté, bien entendu, à la ra'sihim, à leur tête, ce sont les compagnons. Et on verra qu'Allah Azzawajal, même dans les livres précédents, il a fait leur éloge, subhanallah. Pour dire donc l'auteur de leur mérite, le niveau de leur mérite, subhanallah. Et avant de citer le premier verset qu'il a rappelé le shir, on va voir cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Yaqul kama fi majmu' al-fatawa, également fi al-aqida al-wasitiyya. Il dit Cheikh al-Islam, wa hum ma'a dhalik la ya'taqidun anna kull wahid min as-sahaba ma'sumun 'an kaba'ir al-ithm wa sagha'irihi. C'est-à-dire donc, alors que les gens de la sunna du consensus, ils ont cette position, celle qu'on a citée par rapport donc aux sahaba précédemment, et que cela est ijma', c'est le consensus de tous les savants de l'islam, de tous les savants de la sunna. Il nous dit wa hum ma'a dhalik la ya'taqidun anna kull wahid min as-sahaba ma'sumun 'an kaba'ir al-ithm wa sagha'irihi. C'est-à-dire que les gens de la sunna du consensus, ils ont la croyance que chacun d'entre eux, donc parmi les sahaba, n'est pas marsoum, c'est-à-dire qu'il n'est pas infaillible. Il est un homme et il peut tomber dans l'erreur. Marsoumoun an kabayr al-ithm wa sagha'irihi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'abri de l'erreur et du péché, que ce soit le grand ou le petit. Bal yajuz 'alayhim adh-dhunub fi al-jumla. Bal yajuz 'alayhim adh-dhunub fi al-jumla, c'est-à-dire qu'il est permis par rapport à eux les péchés, de façon générale, fil jumla, yani. Lakin, il nous dit Cheikh al-Islam, wa lahum min as-sawabiq wal fada'il ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sada. C'est-à-dire donc, il nous dit que tout ce qui a précédé, tous les actes qu'ils ont faits, tout ce qu'ils ont sacrifié par rapport à l'islam, et tout leur mérite, tout ceci en réalité a pour conséquence le pardon de ce qui va advenir d'eux comme donc péché ou alors erreur, si cela donc advient. Hatta innahum yughfaru lahum min as-sayyi'ati ma la yughfaru liman ba'dahum. Jusqu'à que il sera fait péché donc de leurs erreurs, ce qui ne sera pas le cas pour d'autres, ceux qui seront venus après eux. Et de nous rappeler, وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون. Et bien entendu de rappeler que cela est authentifié, cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم, qu'ils sont donc les meilleurs donc des qurun, ils sont les meilleurs donc des siècles. Donc bien entendu ici les premiers siècles et le premier siècle. طيب. Donc ça c'est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ensuite, et on va revenir également à ce que va dire Hafir, rahmatullah alayh, dans ce qui va suivre. Il va nous dire également, ou il va nous citer le premier des versets que lui il cite dans son livre, donc pour rappeler le mérite des compagnons. Et le premier des versets, c'est le suivant. يقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد المسجد الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم et ceux qui sont avec lui sont durs envers les infidèles, miséricordieux entre eux. نعم. Ça, c'est les caractéristiques des véritables croyants. C'est-à-dire qu'entre eux, les croyants, ils sont miséricordieux, ils sont doux. Par contre, envers les kuffars, envers les mécréants, ils sont durs. Ils font preuve donc de dureté envers eux. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Et ce qui nous est venu comme tafsir par rapport à cela, comme nous le rappelle Ibn Kathir dans son tafsir, Al-Mujahid et d'autres encore, bimarna al-khushu' wa tawadu', c'est-à-dire donc l'humilité. L'humilité et la compassion, ou également al-tawadu', c'est-à-dire donc le fait donc d'être humble. Et également, il nous rappelle certains des salafs qui disaient « Inna lil-hasana » Inna lil hasana nurun fil qalb, c'est-à-dire que la bonne action elle a une lumière dans le cœur, wa diya'un fil wajh, et également une lumière qui va apparaître donc sur le visage. Donc par rapport à ce verset, simahum fi wujuhim min athari sujud, wasi'atun fil rizq, et également largesse pour ce qui est donc du rizq, ça apporte la largesse pour ce qui est du rizq, wa mahabbatan fi qulub an-nas, également l'amour dans le cœur des gens. ذلك مثلهم في التوراة. Quelle est leur image dans la Torah? Donc regardez, Allah Azza wa Jal les a rappelés également avant que le Coran descende sur Mohammed sur Sam. Il les a déjà rappelés sur la Torah, dans la Torah, et également dans l'Injil. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Quelle est leur image? Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile, Naam, et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis sera fermée, s'épaissit et ensuite se dresse sur la tige, à l'émerveillement des semeurs. Il nous dit, l'imam Malik, rahmatullah alayh, comme nous l'a rapporté Ibn Kathir dans son tafsir, qu'Anayakul l'imam Malik, l'imam Malik disait, rahmatullah alayh, balagani an-nasara, balagani an-nasara, c'est-à-dire il m'est parvenu que les chrétiens, كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. Il nous rapporte donc l'imam Malik rahmatullah alayh qui lui est parvenu donc que an-nasara, que les chrétiens, lorsqu'ils voyaient les sahaba, lorsqu'ils voyaient les compagnons, bien entendu ici an-nasara sham, nasara sham, vous savez donc dans le sham, que ce soit donc l'Égypte, que ce soit la Syrie, qui était à plus grande majorité donc chrétiens. Et lorsque donc les sahaba, les compagnons, ils ont ouvert, ils ont conquis donc ces pays, ils ont propagé donc l'islam, et que les gens, bien entendu, sont rentrés dans l'islam à froid, par groupe, lorsque les chrétiens voyaient donc les sahaba, donc regardez, subhanallah, regardez qui étaient les sahaba. C'était vraiment pas n'importe qui, subhanallah, par rapport à leur voie qu'ils avaient empruntée, par rapport donc à leur démarche, par rapport à leur comportement, par rapport à leur conviction, par rapport également à tout ce qu'ils faisaient. Alladhina fatahu sham, ceux donc qui ont ouvert et conquis le sham. Ils disaient donc ces chrétiens lorsqu'ils voyaient les sahaba en jurant wallahi liha'ula khayrun min al-hawariyyin fima balaghana. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé encore mieux que ceux qui ont accompagné Isa al-hawariyyin, ceux donc qui étaient les compagnons des apôtres donc de Isa, par rapport à ce qui nous est parvenu, c'est-à-dire toutes les caractéristiques qu'on a pu connaître de ses apôtres, de ses compagnons, de Isa, dans ce qui nous est donc parvenu à travers les écritures et autres, ce qu'on a vu donc dans les sahaba, c'était encore mieux, subhanallah. Regardez donc ici, témoignage de gens qui n'étaient pas encore musulmans, lorsqu'ils ont vu donc ces sahaba, lorsqu'ils ont vu arriver ses compagnons. Ensuite, yaqul Allah Azza wa Jal, donc dans ce verset, يُعْجِبُ الزُّرَّعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Donc, à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux remplit de dépit les infidèles. Ensuite, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Allah par eux remplit de dépit les infidèles. De dépit les infidèles. Donc, الْغَيْظَ. Donc, la haine et le dépit. Et regardez ce qu'il va dire l'imam Malik également, rahmatullah alayhi, ce que nous rapporte également Ibn Kathir. Il va nous dire que l'imam Malik il prenait comme preuve ce verset du Coran pour dire que les rafidites, ce sont en réalité des kuffars, ce sont des mécréants. Il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a pas de doute sur ça que rafidites. Et les chiites, ce qu'on appelle de nos jours les chiites, en réalité qui sont rafidites, ce sont exactement les mêmes qui ont cette croyance. Par rapport à l'istilah, il n'y a pas donc d'ambiguïté. Les chiites de nos jours, ceux qui vivent et ceux qui ont leur état en Iran, ce sont en réalité Rawafid, ce sont Rafidites. Et ce sont eux que l'imam Malik kaffarahum, ce sont eux que l'imam Malik disait que ce sont des kuffars, des mécréants par rapport à ce verset. Pourquoi? Parce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc regardez, wajjal istidlal, al-shahid, wajjal istidlal, il dit subhanahu wa ta'ala, liyaghidha bihim al-kuffar. Donc, pour qu'il remplisse de dépit les infidèles. Donc, al-kuffar. Et donc ceux qui ont la haine par rapport aux compagnons, automatiquement ils sont considérés ici comme al-kuffar. Donc l'imam Malik, il disait, comme nous le répète Ibn Kathir, بِتَكْفِرَ الرَّوَافِدِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ, ceux qui détestent les compagnons, وَمَنْ غَابَ الصَّحَابَةَ فَوَ كَافِرَ. C'est-à-dire donc car eux, al-kuffar, donc les mécréants, ils avaient la haine envers les sahaba. Et donc tous ceux qui vont avoir la haine envers les sahaba, ce sont des kuffars. Il n'y a pas de doute par rapport à ça, pour ce qui est des rawafid, des rafidites, comme on l'a dit, les chiites de nos jours. Ce sont des non-musulmans, et qui ne font partie en rien de l'islam, et qu'on doit donc les considérer, nous, al-sunnati wal-jama'a, que l'on doit les considérer donc comme des mécréants. Et il rapporte, Ibn Kathir, وَوَافَقَوْ طَعِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَ عَلَى ذَلِكَ, et que beaucoup de savants, un groupe de savants, donc beaucoup de savants, ont été d'accord avec l'imam Malik, dans cet aspect ou dans l'aspect argumentatif qu'il a fait ressortir donc de ce verset, parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Ensuite, dans le verset suivant, يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon, une récompense généreuse. Et bien entendu, ici allusion est faite directement à Al-Muhajirun. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا. Donc ceux qui ont quitté la Mecque lorsqu'elle était encore sous l'emprise des polythéistes pour se diriger vers Médine, qui était d'elle passée sous l'emprise des musulmans. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et qui ont combattu dans le sentier d'Allah Azzawajal. وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ. Et ceux également, ici bien entendu allusion faite aux Ansar, الَّذِينَ نَاصَرُوا الْمُهَاجِرِينَ, c'est-à-dire ceux donc qui ont donné refuge et porté secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient avec lui, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. Bien entendu ici l'Ansar, les gens de Médine qui leur ont donc porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ تَسْكِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ça donc, c'est tout simplement un tasqiya direct d'Allah Azza wa Jalla pour ces gens-là. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. À eux le pardon et une récompense généreuse. Donc on voit ici, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit lahum maghfiratun wa rizqun karim, lahum maghfira. Ces gens-là, lahum maghfira. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit qu'ils vont avoir le pardon, on sait quel est le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Un pardon qui est immense, un pardon qui est énorme. Car la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est immense, est énorme, subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'ils auront fait ou ce qui aura pu advenir d'eux comme erreur ou comme péché, Allah Azza wa Jalla dit lahum maghfiratun wa rizqun karim. Également l'autre verset qu'il va nous citer, le shir, et qui est un verset également qui vient ici dans la même lignée, qui vient donc pour vanter les mérites de ces gens-là, al-muhajirun wal-ansar, et ceux qui les ont suivis donc. يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم والسابقون les premiers croyants parmi les immigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Voilà l'énorme succès. Également un autre verset qui nous cite donc le shir. Ça bien entendu c'est fi surat Tawba qui est le verset 100. Ensuite yaqul Allah Azza wa Jal لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Allah a accueilli le repentir du prophète, des immigrés et des auxiliaires qui les ont suivis au moment de la difficulté. Également le verset que va nous citer à la fin de sourate Al-Hashr, يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Aux immigrés besogneux, bien entendu le butin appartient donc aussi aux immigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure, et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Ils appartiennent également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays, à Médine, entre parenthèses bien entendu, ici à Médine, et dans la foi, qui aime ceux qui émigrent vers eux. Bien entendu, ici, dans la première partie, cela fait allusion donc au Al-Muhajir, et dans la deuxième partie, Al-Ansar. Na'am. Et dans la foi, qui aime ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les immigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, subhanallah. Et nous dit le shirk, il y a encore d'autres versets du Coran. Donc regardez, déjà les versets qu'on a cités, ils sont plus que clairs pour ce qui est des mérites des compagnons, et d'autres encore, comme nous le dit le shirk. Kafir, ils sont nombreux. Il nous dit, wa na'lam. Il nous dit donc le shirk, wa na'lam. Wa na'lam wa na'taqid. C'est-à-dire que nous savons. Et nous avons donc la croyance qu'Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala, ittala'a ala ahli Badr. C'est-à-dire qu'Allah est informé de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et il a dit, i'amelu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Pour ceux de Badr. Pour ceux donc qui ont combattu durant cette bataille et qui étaient bien entendu le nombre de ceux qui ont combattu fut Badr, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari an al-Bara ibn Azib, ils étaient 310 et quelques-uns parmi donc les compagnons. Et Allah Azza wa Jal, après donc ce qu'ils ont fait et le sacrifice qu'ils ont fait dans cette bataille et qu'ils ont été réellement parmi les véridiques, il a dit subhanahu wa ta'ala, i'amelu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. C'est-à-dire comme dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim et d'autres encore, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir qu'Allah azza wa jal a dit i'amelu ma shi'tum, c'est-à-dire faites ce que vous voulez après cela, c'est-à-dire après ce que vous avez fait durant cette bataille de Badr, après que vous avez été parmi les véridiques et que vous avez combattu de votre propre être pour la victoire d'Allah et son prophète, pour la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, faqad ghafartu lakum, je vous ai donc pardonné. Tout ce qui adviendra après pour les gens de Badr, tout ce qu'ils pourront faire comme erreur ou comme péché après cela, après ce qu'ils ont fait, Allah azza wa jalla leur pardonnera. I'amalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Également, il nous dit le shir, بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارُ أَحَدٌ مِّمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Entendu, شَجَرَةَ الرَّضْوَانِ. Il nous dit également le shir, comme cela est rapporté par l'imam al-Tirmidhi ou Abu Dawud et d'autres encore, que ceux qui ont donc prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dessous l'arbre, donc qu'ils ne rentreront jamais dans le feu. Personne de ceux qui ont prêté donc allégeance ne rentreront donc dans le feu. Bel qad radiyallahu anhum wa radu an. Et Allah Azza wa Jal agré, les agrés, eux ont agré Allah Azza wa Jal. Wa kanu alfan wa arba'umiya wa qil khumsumiya. Khamsumiya. C'est-à-dire qu'ils étaient 1400. Et d'autres ont dit, parmi les historiens, 1500. 1400 et 1500. Qui ont donc fait ce, qui ont prêté allégeance sous l'arbre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient donc 1400 ou 1500. Personne de ceux qui ont prêté donc allégeance ne rentreront donc dans le feu. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, dans ce verset du Coran qui parle de ce qui est arrivé donc, il dit, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Ensuite il dit le shir, donc ça c'est pour Al-Badr, et ensuite Al-Shajati Ridwan, et ensuite وَنَشْهَدُ بِأَنَّهُمْ أَفْضَلُ الْقُرُونَ مِنْ هَذِي الْأُمَّةِ. Et donc nous témoignons que ce sont les meilleurs de cette communauté parmi donc les siècles qui ont passé. Donc ce siècle-là, ces siècles-là, ce sont les meilleurs des gens, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique et d'autres encore. خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Les meilleurs de ma communauté, mon siècle, puis ensuite ceux qui les ont suivis, puis ensuite ceux qui les ont suivis, le hadith. Et également il nous dit وَأَنَّ مَنْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. Également donc il fait allusion au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari muslim muttafaqun alayhi, où le prophète sallam yaqul min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدٍ وَلَا نَصِيفَهُ. C'est-à-dire, n'insultez pas mes compagnons. Si un de vous avait donné, bien entendu en aumône, l'équivalent du poids de la montagne d'Uhud en or, c'est-à-dire si toi maintenant, tu vas donner l'équivalent du poids de la montagne d'Uhud en or, Jamais cette sadaqa, cette aumône, va atteindre le mout. Le mout, ici, al-mout, donc cette unité de mesure qui est si faible, qui est donc si faible. Et donc, certains savants ont dit qu'il est l'équivalent à 675 grammes. 675 grammes, regardez, 175 grammes et la montagne d'Uhud. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si une personne de ceux qui vont venir donc après, les compagnons, qui vont donc donner l'équivalent du poids de la montagne d'Uhud en or, jamais cette sadaqa va atteindre ce que lui le sahabi il aurait donné, ce fut donc ce poids infime, 675 grammes, subhanallah, adal mout, si un des compagnons donc l'aurait donné, ni même sa moitié, ni même donc la moitié du mout, donc pour inciter le prophète sallam, ni même la moitié de cette unité, mout, c'est-à-dire encore moins de 175, même pas la moitié de 300 grammes, subhanallah. Et pourquoi cela? Pourquoi adal farq? Pourquoi donc cette différence? Pourquoi un sahabi, lorsqu'il donne si peu en aumône, et qu'une personne qui viendra donc après va donner tant d'argent en aumône, et que jamais il ne pourra atteindre ce qu'il lui a donné avec si peu? Tout simplement le farq, la différence qu'il y a entre ces gens-là, entre ces compagnons et ceux d'après, c'est l'ikhlas, c'est le niveau de l'ikhlas. C'est en réalité le niveau de l'ikhlas, le niveau de l'yaqin, c'est bien entendu le niveau qu'ils avaient dans leur pureté d'intention, c'est le niveau qu'ils avaient dans leur certitude. Ce niveau-là qui fera que même une personne qui viendrait après les compagnons et qui donnerait donc l'équivalent du poids de la montagne de Uhud ne pourra atteindre la mout de ce qu'aurait donné donc ce compagnon, subhanallah. Et ensuite le shir, après avoir apporté tous ses mérites à travers les versets du Coran, et ce qu'il nous a dit donc par rapport à Ahlul Badr ou à Ahlul Shajati Ridwan, et également de tous les sahaba de façon générale, il nous dit comme donc l'avait rappelé Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, qui est la croyance donc des gens de la sunna du consensus, c'est-à-dire qu'on a la croyance qu'ils ne sont pas donc infaillibles et qu'il est permis dans leur droit de se tromper. Il va faire donc allusion au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim muttafaqun alayhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul min hadith Amr ibn al-As أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. C'est le juge donc, celui qui est en état de juger, et qu'il juge donc à ce moment, et qu'il fait donc cet effort d'interprétation. ثم أصاب فلو أجران. Donc, et qu'il atteint la vérité de par son jugement, alors il aura deux récompenses. Ça c'est avant tout dans le cas des sahaba, ceux qui dans leur vie ont été dans une position à un moment de leur vie de juge, et qu'il se peut qu'à ce moment-là, ils ont atteint la bonne réponse, car ce sont des êtres humains, ils ne descendent pas sur le wahy. Qu'à ce moment-là, donc, ils auraient pu atteindre la vérité et ce qu'il fallait faire, ou alors se tromper. Et dans le deuxième cas, c'est la suite du hadith. « وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ » Et s'il juge, qu'il fait donc l'effort d'interprétation, « ثُمَّ أَخْطَى فَلَهُ أَجْرٌ » Mais qu'ensuite, donc, il se trompe, et qui n'atteint pas la vérité, mais de par son effort d'interprétation, et de par sa niya, et de par son intention de vouloir atteindre la vérité, alors Allah Azzawajal lui donne quand même une récompense. Pas de récompense parce qu'il n'a pas atteint la vérité, mais il lui reste quand même une récompense. Il lui reste quand même un bien dans ce qu'il a fait. Ça, c'était le cas des sahaba, dans tout ce qui s'est passé entre eux. Lorsqu'ils ont fait al-ijtihad, lorsqu'ils ont fait l'effort d'interprétation, et qu'ils ont vu, eux, que cela était, par rapport donc, à leur avis, la vérité. S'ils sont trompés, ils auront donc une récompense. Et ceux qui ont été sur la vérité, c'est-à-dire qu'ils ont atteint donc ce qui était demandé, walhaq, alors eux, qui ne se sont pas trompés, eux, ils auront deux récompenses. Ça, c'est ce qui est devenu pour les sahaba. Dans tout ce qui est devenu donc après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi donc les erreurs qui ont été commises, et les disputes qui sont donc arrivées parmi eux. Soit ils ont eu deux récompenses, ou soit ils ont une récompense. Wa khata'u maghfur, et leurs erreurs donc est pardonnée. Wa lahum min al-fada'il was-salihat was-sawabiq ma yudhibu sayya ma waqa'a minhum in waqa'. Et ils ont donc, comme le verra pas également Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, ils ont donc des mérites et des bonnes actions et de tout ce qui a précédé comme bien, tout ce qu'ils ont fait dans l'islam, qui va donc dissiper les mauvaises actions qu'ils pourront faire s'ils ont fait. S'ils ont fait des erreurs et des mauvaises actions. Et nous dit le shir, وَلْيُغَيِّرْ يَسِيرُ النَّجَاسَ الْبَحْرِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ. Pour nous donner une belle image ici, le shir. Il nous dit, est-ce que النَّجَاسَ, une impureté, mais une petite impureté, يَسِيرُ النَّجَاسَ, une minime impureté, une petite impureté, qui va ici représenter donc l'erreur, ou qui va représenter le péché. Lorsqu'elle tombe, cette petite impureté, lorsqu'elle tombe, fil bahar, lorsqu'elle tombe dans un océan, dans une mer de bonnes actions, est-ce qu'elle va venir la souiller? Est-ce qu'elle va donc changer l'eau de cette mer? Est-ce qu'elle va changer la nature de cette mer-là, de cet océan, l'eau de cet océan? Radiallahu anhu wa arba'u, donc Allah Azza wa Jalla les agrée. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Également de même pour ce qui est donc de la parole par rapport aux épouses du prophète صلى الله عليه وسلم et les gens de sa maison, donc de sa famille. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Ici le cheikh fait allusion au verset du Coran qui est sur surat al-Ahzab, le verset 33. يقول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Donc Allah Azza wa Jal, il veut de vous donc dissiper الرجس, ce mal-là, أهل البيت, vous les gens donc du bien, et donc vous purifier d'une purification donc totale. ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوءا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته أو على أحد منهم. ونشهد الله ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم نعم وذب عنهم ما استطعنا. Il nous dit également donc le shir que l'on s'écarte et que l'on se désavoue, que l'on donc se désavoue de ceux donc qui vont parler en mal des compagnons, qu'ils parlent donc en mal, ou que cela advienne dans leur cœur, ou que cela advienne donc sur leur langue. On doit s'en écarter. Tous ceux qui auront donc parlé du mal des compagnons et des gens de sa maison, des gens donc de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit également, nous prenons Allah à témoin de notre amour et notre alliance envers eux. Fanushidullah, ala hubbihim wa mawalatihim wa dhabba anhum mastata'na. Et donc, nous prenons Allah à témoin de notre amour et de notre alliance envers eux, ainsi que de leur défense autant qu'il nous est possible, par fidélité au messager d'Allah qui dit dans sa dernière recommandation « La tasubbu ashabi » « N'insultez pas mes compagnons » Na'am. C'est-à-dire ici, c'est une fidélité au messager d'Allah que l'on prenne donc la défense des compagnons par rapport à ceux qui les insultent, par rapport donc à ceux qui disent du mal d'eux, que l'on retrouve donc sur leur langue, que l'on retrouve dans leur écrit, dans leur livre. Ça fait partie donc de la fidélité envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, par rapport à sa recommandation qu'il a fait, lorsqu'il a dit « La tasubbu ashabi »« N'insultez pas mes compagnons » et donc de protéger et donc de défendre tous ceux qui auront à l'encontre des sahaba de par leur langue ou de par leur écrit. Ça, c'est un acte de fidélité. Enam. Et également, d'après ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Allah, Allah fi ashabi » Allah, Allah, c'est-à-dire donc craignez Allah vis-à-vis donc de mes compagnons. وقال également par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنَ أَوَّلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَمَسَّكُوا بِهِ. C'est-à-dire donc, il a dit je vais vous laisser deux charges. La première, le livre d'Allah. Saisissez le livre d'Allah et attachez-vous. Puis il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ثُمَّ قال وَأَهْلِ بَيْتِي أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث في الصحيحين وغيرهما. C'est-à-dire ce hadith qui dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, imam muslim et d'autres encore, lorsqu'il a dit et les membres de ma famille, ensuite il a dit pour le et les membres de ma famille, je vous rappelle Allah concernant les membres de ma famille. أذكركم الله في أهل بيتي. Donc également, ça c'est un acte de fidélité que l'on fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on prend la défense des compagnons, lorsqu'on prend la défense d'Ahlul Bayt, des gens donc de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit donc par nos langues, que ce soit donc par nos écrits, etc. Ensuite donc le shir, il va nous dire à la question suivante. Il dit man afdal as-sahaba ijmalan. Il nous dit donc quels sont donc les compagnons qui sont les meilleurs, et ça de façon donc générale, qui sont donc les meilleurs des compagnons. C'est-à-dire ici qu'il va rappeler donc des gens de façon générale, la bil-ta'yin, c'est-à-dire qu'il ne va pas ici rapporter le shirk, quels sont les meilleurs des compagnons, un par un, c'est-à-dire personne par personne. Mais ici, par l'ensemble des musulmans, par rapport à l'ensemble des musulmans. Donc il va nous citer tout simplement des groupes. Enfin, il va nous dire Afdaluhum as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin. Il va nous dire donc le shirk. Les meilleurs d'entre eux, ce sont donc ceux qui ont précédé. As-sabiqun. Donc on sait que as-sabiq, qui vient du verbe sabaqa, et qui est le fait de précéder. Donc ce sont eux qui ont précédé par rapport à l'islam. Et en réalité, as-sabiqun al-awwalun, donc ceux qui ont devancé les premiers, hum alladhina sallu ila al-qiblatayn. Comment on va savoir cela? Ce sont ceux en réalité qui ont prié en direction des deux qibla. On sait qu'au début, la qibla, ça a été en quelle direction? La direction de Jérusalem. Ensuite, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, bi-hikmati al-balira, de par sa sagesse, il a changé cette qibla, et ensuite donc, elle est devenue la qibla en direction de la Mecque. Et donc ceux qui ont prié dans les deux directions, c'est-à-dire donc qui ont prié dans un premier temps, et donc ça c'était les débuts de l'islam, qu'ils ont prié donc en direction de Jérusalem, et qu'ensuite ils ont prié donc lorsque tahawalat al-qibla, donc lorsque la qibla elle a été changée, qu'ils ont donc prié en direction de Mecca, ces gens-là ce sont as-sabiqun al-awwalun alladhina sallu ila al-qiblatayn. Et donc le premier de ceux qui rentrent parmi eux, c'est bien entendu Abu Bakr ou Omar. Donc les premiers parmi les sabiqun awalun, c'est Abu Bakr et Omar. Et également Ahlu Bay'at al-Aqaba al-Ula. Également donc les gens de l'allégeance de l'Aqaba al-Ula. Ensuite, donc il nous dit le shir. Donc ceux qui ont fait l'exode de Mecca jusqu'à Médine, ce sont eux les meilleurs des compagnons. Donc c'est pour ça qu'on voit, ce sont les meilleurs de façon générale, ce sont été les meilleurs des compagnons, ces gens-là. Thumma al-Ansar, et ensuite il vient après eux, al-Ansar, thumma. Donc ceux qui viennent après eux, mais qui sont moindres par rapport donc au degré de ces premiers, ce sont al-Ansar. Al-Ansar, هم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج بالمدينة. Bien entendu, ce sont eux qui sont venus au secours du prophète صلى الله عليه وسلم, ou lorsqu'ils ont accueilli le prophète, et bien entendu ceux qui se sont exilés parmi bien entendu les tribus de l'Aus والخزرج والخزرج, les deux principales tribus des Ansar. Donc ils viennent après eux, et donc ils sont en second degré par rapport والسابقين الأولين. Et c'est pour ça que Al-Hassan رضي الله تعالى عنه, lorsqu'il disait donc le verset qu'on a lu auparavant, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, il disait donc والأنصار بالاستئناف على الاستئناف والأنصار, c'est-à-dire donc والسابقون الأولون والأنصار طيب non والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, c'est-à-dire donc les premiers parmi les muhajirins et parmi donc les ansar. Ce qu'on va comprendre ici au niveau du verset lorsqu'on le lit bi dhamma wal ansar, c'est-à-dire qu'on est dans un premier temps was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin, et qu'ensuite wal ansar, et non ça ne rentre pas donc al-ansar ici dans as-sabiqun al-awwalun. Tayyib, donc par rapport à la récitation du verset, Al-Hassan il disait de cette façon-là, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan, comme le rappelle donc Ibn Kathir dans son tafsir. Ensuite, il nous dit le shir. Thumma ahlu badri. Ensuite, il vient en troisième position les gens donc de Badr. Ceux qui ont participé donc à la bataille de Badr. Et on a vu donc le hadith précédent. I'amalu mashitum faqat wajabat lakum al-jannah. Comme cela est venu également dans une des versions kama fi sahih al-Bukhari. Wajabat lakum al-jannah, c'est-à-dire que le jannah est donc pour vous, pour ceux donc parmi les gens de Badr qui ont combattu à Badr. Et on a vu donc la version qu'avait cité le shir, faqad ghafartu lakum, et dans une autre version faqad wajabat lakum al-jannah. Ça donc c'est les gens de Badr. Ensuite, en quatrième position, Fa'uhud, c'est-à-dire Al-Uhud, ceux donc qui ont participé à la bataille de Uhud. Tayyib, Ghazwat Uhud, qui est advenu en l'an 3 de l'Hégire, au mois de Shawwal. Hada Uhud. Donc ensuite, ceux qui ont participé à Uhud, ce sont donc ceux qui viennent en quatrième position par rapport à l'Afdariya. Ensuite, Fabay'atu Ridwan, donc comme on a vu, lorsque les compagnons ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous cet arbre-là, fi Ghazwat al-Hudaybiyah, et ça c'était bien entendu en l'an 6, sanatu sitta min al-Hijra, en l'an 6 de l'Hijra, c'était au mois donc de Dhi'l-Qa'da. Faman ba'dahum, et ensuite ceux qui sont venus après eux. Donc on voit ici qu'il y a les premiers sabiqun al-awwalun min al-muhajirin, les seconds al-ansar, les troisièmes al-Badr, les quatrièmes al-Uhud, les cinquièmes al-Bay'at al-Ridwan, et ensuite ceux qui sont venus après. Faman ba'dahum thumma, il nous dit le cheikh thumma, man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Donc ça c'est surat al-Hadid, et qui est le verset 10. Celui qui a donné ses biens et combattu avant la conquête de la Mecque. Man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre? Faman ba'dahum thumma, donc ceux qui sont venus après Bay'atu Ridwan, jusqu'à que donc la Mecque a été ouverte. Donc cette période ensuite, man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Donc ensuite ceux qui sont venus avant le Fath, donc entre Bay'atu Ridwan et avant le Fath, il y a eu donc ces gens-là qui se viennent donc ici en sixième position. Et ensuite ceux qui vont venir donc en cinquième position, ce sont ceux qui sont parmi les compagnons après donc, et qui sont donc convertis, qui sont donc entrés dans l'islam, qui sont venus des compagnons après bien entendu le Fath, après que la Mecque a été conquise. Taïb, c'est pour ça que dans le verset, celui qui a donné ses biens et combattu avant la conquête, bien entendu ici de la Mecque. Qabil Fath, Fath Mekka, wa Qatal, donc qui a combattu avant la conquête de la Mecque. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Donc ce verset est plus qu'évident. Or à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Or à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Donc on voit ici le sixième ou le septième groupe de compagnons par rapport à ce qu'on a dit à l'Afdaliya, par rapport donc au fait qu'ils sont les meilleurs. Donc pour résumer, les premiers, Sabiqun Awwalun parmi les Muhajirin, ensuite Al-Ansar, ensuite Al-Badr, ensuite Al-Uhud, ensuite Bay'atu Ridwan, Al-Bay'atu Ridwan, ensuite ceux qui sont devenus les compagnons avant Al-Fath et après Bay'atu Ridwan, et ceux qui sont venus, donc, ça c'est les sixièmes et les septièmes, ceux qui sont devenus donc des compagnons après que la Mecque soit conquise, soit ouverte. Lorsqu'on sait donc cela, qu'il y a eu donc plusieurs groupes de compagnons et que certains ont été meilleurs, d'autres donc de façon générale par rapport à ces groupes, et qui vient en réalité par rapport au temporel et par rapport donc à ce qui s'est passé dans l'islam, durant l'histoire des débuts de l'islam, par rapport aux conquêtes et Inam. Ensuite le chef va nous poser la question suivante, qui est la question numéro 207. Man afdal as-sahaba ijmalan. Donc ici il va nous parler du ta'yin, c'est-à-dire que le prophète le shir rahimahullah, il va nous parler donc ici des meilleurs des compagnons tafsilan, c'est-à-dire en détail. Il veut dire donc par là qu'il va citer le premier et qu'il considère comme le meilleur des compagnons celui qui vient après, et ainsi de suite. Donc en citant des noms, ici on va être donc plus précis. On sait de manière générale, d'après la croyance de la sunna et du consensus, quels sont les groupes. Et maintenant, on va savoir que sont donc les personnes. Et ça, inshallah, sera donc pour le prochain cours. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.